Chapitre 4. Nuit noire. C'était absolument réel. Fouinard n'en savait rien. Et pourtant, il n'avait pas perdu de temps. Une heure après avoir quitté le chevet de la femme Mullard, dont il ne pouvait mettre la sincérité en doute, et avoir pourvu à sa santé par l'intermédiaire du docteur Tozan, toujours reconnaissant et dévoué, il avait procédé avec son activité et sa logique ordinaire. À la Gazette des tribunaux, il avait trouvé très minutieusement raconté tous les détails de l'assassinat de la rue Pouchet. Le crime avait été commis, soit par quelqu'un de la maison, par le mari, par un des serviteurs, par un familier quelconque, soit par un malfaiteur venu de l'extérieur. La fenêtre ouverte, le carreau cassé, militait en faveur de cette dernière hypothèse, mais était-ce bien une raison pour l'adopter sans discussion? Si le moindre soupçon pouvait être dirigé contre l'entourage de Madame Boisselin, il y avait lieu de se demander s'il ne pouvait pas être établi que l'assassin aurait pris toutes ses précautions pour que le crime parût être l'œuvre de quelqu'un venu du dehors. Ce sont là choses élémentaires. Mais quel était cet entourage? Au premier rang, le mari, Albert Boisselin, ancien élève de l'école polytechnique, sorti avec le numéro 1, longtemps préparateur de chimie à la Sorbonne, puis agrégé à la suite d'examens, et enfin professeur à l'Institut de biologie, travailleur acharné, infatigable, ayant maintes fois obtenu les suffrages de l'Académie des sciences pour des communications géniales. Il s'était marié. Dans quelles conditions? Il n'en avait jamais fait mystère. Alors qu'il était étudiant, il avait fait la connaissance d'une veuve alors âgée de 30 ans, Madame Poissat, qui, avec une affection toute maternelle d'abord, s'était intéressée aux travaux, aux espérances, aux ambitions du jeune Boisselin. Puis, le temps passant, cette affection, protectrice d'une part, reconnaissante de l'autre, avait pris un caractère plus intime et finalement, le jeune Boisselin avait épousé Madame Veuve Poissat. Tout le monde à Paris et en province connaît les conserves Poissat dont le débit est énorme. La maison avait été fondée quelques années avant la guerre par Anthelme Poissat, qui, après 15 ans d'exploitation, était mort en laissant plusieurs millions à sa veuve. Le jeune Boisselin avait-il songé à cette disproportion de fortune et d'âge quand il était devenu le mari de la richissime veuve? La chose serait vraisemblable si le désintéressement évident de toute sa vie ne fût venu donner un démenti à cette fâcheuse hypothèse. Boisselin avait une seule et unique passion, le travail et le progrès de la science. Le seul changement que son mariage eût amené dans sa vie avait été la location et l'aménagement d'un laboratoire au quartier des Écoles. Quant à la vie particulière du ménage, elle était plutôt modeste, étant donné la richesse de la femme. Il s'était installé dans une de ses propriétés, une maison formant hôtel, rue Pouchet, dans le quartier en somme peu élégant de l'avenue de Clichy. Boisselin travaillait, partageant son temps entre le laboratoire et le domicile conjugal, n'ayant d'autre goût dispendieux que la construction d'appareils de chimie, l'achat de produits d'un prix parfois assez élevé, se plaignant seulement parfois d'être trop à l'étroit dans ses locaux de la vieille estrapade et rêvant de constructions spacieuses. Il avait sollicité, du ministre de l'Instruction publique, des locaux plus grands. Les journaux l'avaient soutenu. Il n'avait recueilli que des promesses, équivalant à des fins de non-recevoir. Il s'était résigné, se refusant à abuser de son ascendant sur sa femme pour obtenir d'elle le million qu'il lui fallut consacrer à des constructions coûteuses. Il ne cessait pas d'ailleurs son labeur de bénédictin, se refusant à toute distraction, s'enfermant avec son préparateur, dont le dévouement était égal à l'affection qu'il lui portait, Stéphane Pointre, aussi passionné que son maître, vivant sa vie et pensant sa pensée. Ce fut au milieu de ce calme qu'éclata le coup de tonnerre du crime atroce qui coûta la vie à Madame Boisselin. S'il eût été possible de soupçonner Boisselin, on eût été bien forcé de se rendre à l'évidence. Le grand chimiste n'avait quitté le laboratoire de la vieille estrapade qu'à 2h30. Il s'était séparé, avant de monter dans la voiture qu'il avait retenue d'avance, de son préparateur, qui s'en était retourné rue Cujas où il demeurait. Si rapidement que marcha le cheval, Boisselin n'avait pu arriver chez lui avant 3 heures, et c'était bien à cette heure-là qu'il avait découvert l'épouvantable attentat dont sa femme avait été victime. Évidemment, en s'en tenant au vieux dicton « cherche à qui le crime profite », Boisselin avait quelque intérêt à la mort de sa femme, puisque, par son contrat de mariage, il était l'héritier de sa fortune. Mais cette fortune ne lui appartenait-elle pas déjà? N'en jouissait-il pas? Et s'il s'abstenait de dépenses élevées, cela ne constituait-il pas une preuve en faveur de sa délicatesse? Il faut reconnaître que cette fois, de ce côté du moins, l'instruction n'avait pas fait fausse route. Pas un instant, le savant n'avait été mis en cause. Depuis la mort de sa femme et après sa mise en possession du million qu'elle lui laissait, Boisselin, veuf sans enfant, sans charge de famille, avait résolu de consacrer la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses expériences. S'était rendu acquéreur d'un vaste terrain rue Gay-Lussac, au coin de la rue Saint-Jacques, et avait construit et aménagé un laboratoire moderne, pourvu des appareils les plus perfectionnés, et là, toujours cloîtré avec son fidèle collaborateur Pointre, il avait réalisé la plus belle et la plus utile découverte des temps modernes. Il avait trouvé une nouvelle terre rare, moins curieuse en apparence que le radium, mais susceptible de donner des résultats plus immédiats et plus pratiques. Le bocélium, comme on l'avait baptisé, amalgamé à d'autres substances, constituait une pile électrique d'une force exceptionnelle sous un très petit volume. C'était la solution du problème tant cherché de l'accumulateur idéal, producteur par soi-même de la force, du mouvement. Pour l'automobilisme, pour l'aviation, c'était là une invention d'une incalculable portée. C'était aussi la lampe électrique portative, sans fil, sans attache, et destinée à éclairer les plus pauvres logis comme les maisons les plus opulentes. Boisselin avait révélé cette trouvaille géniale à l'Académie des sciences, dont les membres, se levant dans un mouvement d'enthousiasme, l'avaient acclamé. Avec une modestie qui n'était pas jouée, il avait associé à sa gloire son collaborateur, Stéphane Pointre, dont il proclama très haut le mérite, en l'attirant sur l'estrade où il lui donna l'accolade avant tous. Ce fut un moment d'indescriptible émotion. Que cet homme-là fût coupable d'assassinat, c'était une supposition folle. Donc ce n'était pas de ce côté qu'il fallait chercher. Dans la nuit qui suivit ses premières recherches, Dotto ne dormit pas. Jamais il ne s'était senti ainsi désemparé. Croire au mensonge de la mère Mullard, il ne le pouvait pas. D'ailleurs, quel intérêt aurait pu la guider à s'accuser elle-même de faux témoignages? Une idée de vengeance contre quelqu'un? Contre qui? Puisqu'elle ne nommait personne, puisqu'elle ne donnait pas le moindre indice qui peut mettre Fouinard sur la trace d'un coupable, réel ou imaginaire. Non, non. Elle obéissait bien au remords, à la hantise superstitieuse de cette pensée que c'était en expiation de son crime, que son enfant était mort. « Voyons, Justine, ma petite Justine, » disait Toto, assis dans son lit, à sa canne qu'il tenait droite devant lui. « Résumons la question. Premièrement, ce forçat, Sordet, est innocent du crime. Deuxièmement, Boisselin est non moins innocent que lui. Troisièmement, la femme ayant été assassinée, il y a un criminel. Quatrièmement, ce criminel a été vu par la femme Mullard, qui ne peut fournir sur lui aucun renseignement. « Et par un autre, Justine, tu as raison, par ce malvat. » qui a servi d'intermédiaire entre lui et la Mullard, ce malvat, dénommé au procès comme négociant en chiffon, roue de la révolte 42. Bon, c'est celui-là qu'il faut d'abord rechercher. Notons cela, on cherche malvat. Et maintenant parlons un peu du forçat. Dès demain, j'irai au ministère de la Justice pour obtenir des renseignements sur lui. Cela ne me servira pas à grand-chose. Ce sera simplement une satisfaction de conscience, je me la donnerai. Conclusion, je ne sais rien. Rien. Pourtant, je veux sauver l'innocent, je le veux. Et là-dessus, Toto s'endormit.